Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Les double A, les alcooliques anonymes, Audrey et Aline. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Un peu comme celle de 7h, 7h30, 8h. C'est un peu le principe. Ah, d'accord. Même genre. En Angleterre, l'extradaire du BS, Kwaku Adoboli, est condamné à 7 ans de prison. D'après sa mère, ce n'est pas de sa faute que Kwaku Adoboli faisait pipi au lit quand il était adolescent. En Afghanistan, les talibans ont revendiqué l'attaque dans l'enceinte diplomatique de Kaboul. D'après la CIA, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à Kaboul. En France, l'UMP est prêt à exploser. Sarkozy a déclaré à l'UMP avec des gens comme Juppette, Copette et Fillon, ça en fait une belle brochette de trou du cul. Bart de Wever est toujours fâché avec le Premier ministre. Exactement, il aurait déclaré qu'Elodie Rupeau ne faisait que dormir. Et on va terminer ces infos en trop avec une petite devinette. Savez-vous ce que dit un rappeur en rentrant dans une fromagerie ? Faites du bruit ! Mon Dieu. Et voilà. Non, c'est pas celui-là. Tu sors. Mais non, je reste. Non, tu sors. Non, c'était très drôle. Tu prends tes affaires, tu t'en vas. C'était très marrant. Tu passeras pas à la compta chercher ton chèque. C'est hein ? Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Et question existentielle, on va appeler Atine et on va appeler pourquoi faire. Ben, je me pose toujours la même question, c'est si je couche avec une femme enceinte, est-ce qu'on peut considérer ça comme un plan à trois? D'accord, très bien. Dégoûte. Bon. Alors on va appeler Atine, alors c'est parti hein. Ce serait bien que tu tombes sur une femme enceinte. Oui. Non. Elle aurait une réponse. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Oui. Voilà, je me demandais, est-ce que si je couche avec une femme enceinte, on peut considérer ça comme un plan à trois? Dites, on n'avait pas autre chose de question. Vous en rendez compte alors qui... allez, au revoir. Voilà. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Allez, on va la rappeler, on va la rappeler. Mais c'est le matin, la pauvre. On la rappelle. Oui. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, vous n'avez pas répondu à ma question. Ben, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est moi qui suis intéressé par votre réponse. Ben, dites, vous avez vu l'heure qu'il est? Mais oui, madame. Ben, alors, laissez les gens dormir, hein. Mais moi, je ne demande que ça, madame. C'est vous qui voulez pas répondre à ma question. Eh ben, je ne répondrai pas à votre question. Bah, c'est pas gentil, ça, voilà. Madame. Au revoir. Et si vous continuez, je téléphone à la police. Hein. Oui. J'appelle les flics. Salaud. Salaud. Bon, on rappelle. Elle n'a vraiment pas envie. Oui. Oui, je m'excuse, mais tout ça ne répond pas à ma question, madame. En fait, dites, écoutez, est-ce que vous vous rendez de l'heure qu'il est? Mais oui, je vois pas. Question à poser. Je vois pas le rapport entre ma question et l'heure, madame. Eh ben, écoutez, si vous téléphonez encore, j'appelle la police, hein. Oui, mais ça répondra pas à ma question, tout ça, madame. Eh ben, je ne réponds pas à votre question et ne téléphonez plus ou je... comment? J'appelle la police. Voilà. Voilà. Au revoir et merci. Bon, alors on va plus appeler, hein. Non, mamie, vous avez pas. Si elle appelle la police. Ah oui, j'ai très peur. Là, oh là là, vous. Oui. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Tous les matins. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, on va se faire maintenant la ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. Allons-y. Je vous dérange pas des mongoliennes là. Ah, tu vas acheter quoi comme code? J'ai trouvé une avec un lapin rose. Non, mais j'en ai trouvé une avec une Nintendo. Oui, c'est trop rigolo. Elle est assez sympa. Oh là bah là, quoi, t'as jamais joué à la Nintendo avec l'écran vert? Si, si, ah non, voilà. Si. Mais jouer à la Nintendo ou avoir une coque Nintendo, il y a une marge. Bah, non, mais c'est en souvenir. Ouais, ouais, en souvenir. C'est vintage. Ça. Bon, allez, le premier message. Bonsoir, Seb. Tu me connais pas, je te connais pas, mais c'est juste un titre d'information. Donc en conseil, tu préviens cette personne gentiment que s'il y a un moindre problème en boîte de nuit, je débarque et ça risque de mal se passer pour cette personne-là. Mais il y aura du monde avec moi aussi. Ah oui. Transmets bien le message. Merci. Alors si en plus du monde avec lui, forcément, on a peur. Deuxième message. Prêt. Oui, donc rapport de surveillance de Bobo Lamartina. Il va voir les cochons, quoi. Donc un peu comme son voisin, le Max. Ils vont être contents avec François, là. Ils vont pouvoir tous se marier ensemble. De la surveillance. Je sais pas ce qu'il a pris, mais bonjour. Il est la bonne. Hein. C'est le rapport de surveillance. Oui. Bonjour. Donc attention, j'ai vu des cochons. Attention, Dieu. J'ai vu des cochons. Fin du rapport de surveillance. Ah, bah écoute, merci pour cette information exceptionnelle. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins. 6h-6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Sois le bienvenu, Antoine. Alors, Antoine, on va faire un petit ouini-ouini-non, là ? Ouais, d'accord. Allez, d'accord, ok, très bien. Alors, le principe est relativement simple. Est-ce que tu as la radio derrière toi ou le kit main libre ? Ben là, je roule. Ah oui, d'accord, oui, oui, bah forcément. Donc, c'est mieux si tu roulais pas, évidemment, t'aurais été plus concentré. Mais bon, c'est comme tu veux, c'est là, pas grave. Si t'en trouves une, parce qu'en général, il y en a tous les 20 ou 40 km, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, je te souhaite bonne chance si jamais t'en vois une. Hein. Bon, soit Antoine, on y va. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien. Et le verrez bien aujourd'hui, c'est. Quoi ? Quoi ? Ouais, pourquoi pas. Allez, ni oui ni non, ni quoi. Antoine, t'es prêt ? Ouais. Bon, il faut discuter avec Audrey, évidemment. Aline, tu as une Aline. Ah oui, pardon, avec Aline, oui. De toute façon, dans les deux cas, c'est compliqué, hein, mais bon. Il faut discuter avec Aline, donc. Et si tu arrives à tenir une minute maximum sans dire ces mots-là et en faisant tout pour lui faire dire, évidemment, ce sera gagné. D'accord, Antoine ? D'accord, Oula, coupe ta radio, par contre, Antoine, hein, parce que là, il y a de l'écho et tout, c'est horrible. Là, il y a de l'écho et tout, c'est horrible. Voilà. Voilà. Ah, bah voilà, ça va mieux, là. Allez, c'est parti, Antoine, bonne chance. Antoine ? Allô ? Ça va ? Et toi ? Très bien. Quoi de bon ? Quoi de bon ? Eh ben voilà ! Alors, c'est la honte ! Allez, la honte ! Et ben voilà, Antoine, tu vois, t'as gagné, t'as pas fait grand chose, mais t'as gagné quand même. Ben oui, elle est nulle à crever, évidemment, Antoine, t'as raison. Tu as raison, elle est nulle à crever. Tu es mauvais, c'est bon. Dis la vérité aux gens. Et bien voilà, Antoine, l'iPod est pour toi, tu n'as pas fait grand chose, bravo, je te félicite. Bah quand même, hein, j'ai sonné et tout. Ah oui, non, mais bien sûr, mais dans le jeu, tu vois, elle s'est tuée toute seule, quoi. Ah là là, bon, Antoine. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio.